Radiomatic. Nous amorcions cette transmission 3-2-1 d'Audiomatic avec le projet canadien Cold Specs mené par Ladin Hussein. De son deuxième album Neuroplasticity, Lancée en 2014, nous vous présentions sa chanson « A Formal Invitation ». Comme toujours, les sonoristes aiment laisser la place à la musique et c'est Sonny Cute qui prend maintenant la place. Posters.

À Audiomatique, nous venons d'entendre l'artiste Charlotte Gainsbourg et sa pièce AF-607-105 tirée de son deuxième album 555. Avant Charlotte Gainsbourg, c'était la formation Beach House et la pièce Blue Bird. C'est une pièce qui paraît sur leur avant-dernier album Depression Cherry qui est sorti en 2015. Et on amorçait la séquence avec Sunny Cute. La pièce Side to Side s'est tirée de leur album New York City Ghosts and Flowers. Ils devraient nous offrir un album de nouveau matériel au début de l'année 2021 après plus de 15 ans d'absence. Voici à Audiomatique le duo montréalais Headscan. Audiomatique, il s'agissait en conclusion de ce segment du duo britannique Goldfrapp et de sa chanson Everything is Never Enough, ici remixée par l'Allemand Chris Liebing sous le nom de Burn Slow Remix. On peut retrouver cette version sur l'édition de luxe de l'album Silver Eye de Goldfrapp paru en 2018. Et pour débuter, nous entendions le duo montréalais Ed Scan et sa composition Critical Mass, extraite du CD single Low Life One. Ed Scan a fait paraître son deuxième et dernier album Pattern Recognition en 2005, et pour célébrer le 15e anniversaire de cet album, le duo a décidé récemment de lancer en version numérique seulement une compilation intitulée Recognizer 2003-2005, qui est en fait une collection des maquettes initiales qui ont été créées pour l'album Pattern Recognition. Ces prototypes ont été produits et enregistrés entre 2003 et 2005, mais n'ont pas été réalisés ou ont été transformés lors de la conception de l'album. Vous pouvez l'écouter sur leur profil Bandcamp au headscan.bandcamp.com. Audiomatique se poursuit avec Herbie Hancock. À Audiomatic, cette séquence terminait sur la musique de la formation Die Krupps et la pièce Zwei Herzen, ein Rhythmus. C'est une pièce qui apparaît sur le 7 pouces Goldfinger sorti en 1982. Avant Die Krupps, nous entendions la formation Hypnosis et la pièce Pulsar, le Disco Mix. C'est une pièce qui paraît sur le 7 pouces encore, Pulsar and Title, c'est le titre du 7 pouces, et qui est paru en 1984. Notons que cette pièce est en fait un cover de Vangelis, et dans sa version originale, elle paraît sur l'album homonyme Hypnosis, sorti en 1984. Et pour débuter, c'était Herbie Hancock et une pièce qui s'inscrit plus dans sa tendance dance music années 80 électro. Donc la pièce Perfect Machine qui est la pièce titre de l'album du même nom. Les notes finales de cette transmission d'Audiomatique seront celles du jazzman John Coltrane. Nous vous offrirons à entendre son interprétation de la pièce Russian Lullaby, originalement composée par Irving Berlin. Cette version est tirée du quatrième album studio de John Coltrane, soit Soul Train, paru en 1958. La prochaine transmission d'Audiomatique, soit la transmission 322, devrait se dérouler comme prévu mercredi prochain, dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. D'ici là, il est toujours possible d'accéder à nos anciennes transmissions en consultant notamment nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici John Coltrane et son interprétation de la pièce Russian Lullaby. C'était Audiomatique avec les sonoristes.